Bonsoir, bonsoir les amis amateurs de musique, de pas de musique. Et c'est l'émission Terra Incognita qui est avec vous jusqu'à minuit ce soir. Et donc, on est en compagnie de Bruno, évidemment, et de France. Bonsoir. Et bonsoir tout le monde. On est bien content d'être là pour cette première émission de 2020. Et bien, comme d'habitude, on a toujours beaucoup de bonne musique. Et bien, qui dit début d'année dit aussi classement. Donc, je sais qu'il y a bien du monde qui ont commencé à faire leur classement de fin d'année. Et bien, un qui va se retrouver sûrement parmi assez haut dans les classements, c'est l'album de Léprousse. N'est-ce pas? Oh oui, c'est tellement bon. Et ça s'appelle Pitfalls. Et bien, on dit que c'est un album de rupture. Il est différent un peu. Et le concept, c'est un voyage à travers les méandres de l'esprit sur le thème du combat contre la dépression et l'anxiété là, du leader du groupe. Bien, en fait, il a lutté contre ces troubles-là de... La santé mentale. Ben oui, il a lutté contre ça pendant 18 mois et là, il s'en est sorti. Puis il en résulte un album qui est lumineux, qui est lumineux parce qu'on se sort justement de toutes ces choses-là. Mais la musique se veut un petit peu sombre, mais malgré tout, c'est tellement bien joué, là, puis c'est différent. Puis ben, à ce moment-là, Léprousse se sort aussi de un petit peu le modèle là, de prog metal. On ne peut pas parler d'un album de prog metal. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce d'ouverture. Et ouais, c'est une pièce qui m'a touché beaucoup. Et on aura aussi du Caprecas Constant. Moi, j'en avais pas mis encore, là, l'album Depth of Field. Ou peut-être j'en avais mis une il y a déjà un bon petit bout de temps. Et il y aura aussi du Panzer Papa qu'on retrouve sur le Progressiste numéro 98. C'est drôle de nom, hein, Bruno, il est en train de se tordre. Là. On se demande où est-ce qu'ils vont chercher ça. Donc, avant que tout le monde s'étouffe, on y va en musique avec Léprousse. My stories are below, below, beneath the surface cannot grow, grow, grow, grow, curled and naked I defer, to shaky thoughts all in a blur. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory I bury. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory. Remember why I'm here. single fear. I'm hiding every little childhood memory. Succeed. tell you what, something up is not. A boy locks down the hurt of the knees. The ghost plane scorched the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire never tire. Vengeance is our only crew. Across the rooftops, ghost planes fly. 80 days, one summer. If your last defense is pure revenge, disgrace for two. Monstrous silver jumbos keep ringing gold for London town. From Red Hill through to Chatham, train their wires across the downs. The Wellesian dream awakens, a robot war is born. Blue skies and down on war. his voice was coming out faster than that. He saw this thing coming back up. And one, see the screen went and dropped the gate straight up the stairs. The ghost plane scorched the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire, no human flyer. Vengeance is a lonely crew. Across the rooftops, ghost planes fly. 80 days, one summer. Descends to pure revenge. The ghost plane scorched the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire, no human fire. Vengeance is a lonely crew. Across the rooftops, ghost. CKRL. Québec. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour. Soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane. Une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL. Une session live enregistrée. Une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. Bon, silence. Venez découvrir le nouveau cinéma Le Clap de Place Sainte-Foy. En janvier, voyez au cinéma Le Clap Loretteville et celui de Place Sainte-Foy, Le Chant des Noms dès le 10 janvier, Le Voyage du Docteur Doolittle dès le 17, Joyeuse Retraite dès le 24 janvier et La Section Rythmique dès le 31. Pour obtenir les détails à l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. Et c'était le groupe norvégien Panzer Papa. Et là, je veux pas entendre personne rire. L'album s'appelle Sommarisk Suite et on a entendu Spartans Mambo No. 5. Et on retrouve ça sur la compilation du magazine progressiste numéro 98. Et ben Panzer Papa, c'est leur 7e album depuis 1998. Et comme vous avez pu le constater, là, leur style ressemble un petit peu à du Canterbury, du rock in opposition. Puis on peut parler un petit peu de fusion. Fusion. Et juste avant, le groupe anglais Caprecas Content. Et ben moi et Bruno, on discutait de ce groupe-là. Puis Bruno me disait qu'il était assez moyennement emballé par cet album-là. Mais faut l'écouter comme faut. Je me souviens quand Marc faisait jouer ça de leur premier album. Moi, ça m'emballait pas du tout. Puis ça m'a pris un certain temps. Marc en avait mis quelques fois. Et bien, j'ai commencé à accrocher, mais quand j'ai acheté l'album, c'est devenu un de nos bons disques, hein, France? Oui, j'aime beaucoup, moi. Oui, puis celui-là, il demande du temps un peu aussi. T'aimes mieux le premier? Oui, j'aime mieux le premier. Moi aussi. je vais pas t'obstiner. Pour une fois qu'on ne s'obstine pas. Je pense pas qu'on s'obstine tant que ça. Non. Depth of Field, qui est leur deuxième, je pense que ça tient bien la route aussi, même si je pense qu'il faut l'écouter un petit peu plus souvent. Là. Puis la pièce qu'on a entendue, c'est Ghost Plane, et ça, cette pièce-là raconte les attaques qu'il y a eu sur Londres là, par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas un sujet qui est super joyeux. D'ailleurs, tout l'album regroupe des textes un petit peu dans ce genre-là. Et on avait débuté avec le magnifique album là, des Norvégiens aussi, là, de Leprous, qui s'appelle Pitfalls. On a entendu Bilo qui rouvre ce disque-là. Il y a la pièce finale là, est excellente aussi. On va sûrement la mettre là, durant les prochaines semaines. Et on va parler un petit peu concert, parce qu'il va en avoir aussi encore beaucoup, j'imagine, en 2020. D'ailleurs, il y en a eu un hier. Oui, Musical Box. Musical Box, Marc y allait. Oui. On va voir des petites nouvelles de ça. Là. Extravagante 2, c'est ça? J'en sais pas plus que ça. Comme j'ai dit à Marc, les covers de Genesis, là, j'en prends un petit congé là, pour un certain temps. Là, ce qui enlève rien à la qualité de c'est personnel. Là, c'est moi, avec Steve Hackett, disons que je suis un petit peu tanné là, d'entendre des covers de Genesis, mais ça va me revenir un jour ou l'autre. Alors, on y va en Parce qu'ils viennent trop, souvent, c'est pour ça. S'ils font le sale, c'est que c'est pas si souvent que ça. C'est juste en ce qui nous concerne, nous autres, personnellement. Mm-hmm. On va parler du festival Terra Incognita. Le 15, 16 et 17 mai. Le 15 mai, c'est Totified Tapes avec Anecdoten. Le samedi, Is Project, Sintonia Distorta. Je m'essaye. Professeur Tip Top, que j'aime beaucoup, que j'ai écouté assez régulièrement de ce temps-ci. Ouais, ben, j'aime beaucoup la voix du chanteur. Ensuite, il y a Annick Dotten qui va finaliser le samedi. Le dimanche, Is Project, Ed Whitwin, l'autre, je me tiens de le dire. C'est le groupe formé de Francesca Zanetta. Ouais, d'ailleurs, elle a publié des nouvelles en ce qui concerne l'album. Hein? Oui, ça s'en vient. Le 20 mars, je pense. Oui, à grands pas. Et pour terminer le festival, la Machera di Sera. Ensuite, tu veux que je continue? Ben oui, vas-y. Le 8 février, c'est hommage à Marianne au Théâtre de la Cité universitaire. C'est le groupe King qui vont jouer la période Hogarth. Le groupe Script, la période Fish. Ensuite, le 20 mars, c'est Doiselle Zappa au Palais Montcalm. Le 21 mars, de retour Proc Story au Théâtre de la Cité universitaire. Ensuite, le 3 avril, à l'Auditorium de la Polyvalente de Charlebourg, c'est The Flower King. Le 10 et 11 avril, Stickman au Palais Montcalm, mais c'est complet. Le 9 mai, au Théâtre de la Cité universitaire, Pendragon. On attend toujours des nouvelles de Big Big Train. J'espère que quelqu'un va penser à les faire venir au Québec. Donc, on va y aller en musique avec Mystery, un extrait de l'album Live in Poznan. Et ce sera suivi de Son of Apollo, aussi un extrait live. On vous jaserait un petit peu plus de ça en revenant. searching for something, sowing new dreams in our mind, deceiving our free will, waiting for someone else. For thousands of years, the world has longed for something to believe in, forging faith into fear, dividing souls, leading to Does anybody know? Does anybody know? What's with the moon in the night? Does anybody know? Does anybody know? What brings the wind in the field? Does anybody know? Does anybody know? The bell tower's silence unreal. Does anybody feel? Does anybody feel? What's wrong with our children's smiles? Does anybody know? Does anybody know? How strange are tears in their eyes? Does anybody care? What brings this wind? 89.1. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les Remparts, le Rouge et Or, les Capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Et le but! Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de mes différents chroniqueurs, je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 1ère Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère « Orange amer » de Anne Patchette chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. « Orange amer » m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose « Pas pressé » de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. Pas pressé est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. Et c'était le groupe américain The Sons of Apollo, qui comprend entre autres Mick Portnoy, Derek Sherinian, Ron Tall, qui a fait partie de Guns N' Roses, Billy Sheehan, qui a fait partie, entre autres, de Mr. Big, mais aussi beaucoup d'autres groupes, le chanteur Jeff Scott Soto, qu'on a vu avec Yngwie Malmsteen il y a déjà bien, bien longtemps. Mais on n'entend pas M. Scott Soto là-dessus. Et ben, c'est extrait d'un album qui s'appelle Live with the Plovdiv Psychotic Symphony. On retrouve sur ce disque-là, c'est un très gros disque, hein, 2h45 de musique, 3 CD et 1 DVD, qu'on n'a pas encore écouté, mais qu'on devrait le faire éventuellement. On retrouve un CD de cover, le deuxième. Et sur le premier, ils reprennent l'intégrale de leur seul album studio. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième là, qui s'en vient très, très bientôt. Et ça a été enregistré dans un ancien amphithéâtre romain, celui de Plovdiv, en Bulgarie. Et tu vas te rappeler sûrement du DVD d'Anathema, qui était dans un... En fait, c'est le même amphithéâtre. Le même amphithéâtre. Et il y en a plusieurs autres qui ont joué là. Donc, on devrait en entendre d'autres extraits éventuellement. Et on avait débuté avec Mystery, Live in Poznan. La pièce, c'est Looking for Someone Else. Une très belle pièce qui joue régulièrement. Et d'ailleurs, on les a vus, ils sont venus faire leur tour, ils sont venus terminer leur tournée au mois de novembre. Au mois de novembre. Le 23. Oui. Puis, il nous avait avoué que ça avait été le spectacle le plus long parce qu'on avait beaucoup insisté. Puis, on avait une pièce supplémentaire parce qu'il joue quasiment 3 heures. Hein. Mm-hmm. Et ben, pour cette deuxième heure, là, un des groupes qui va sûrement se retrouver dans les classements de fin d'année, là, comme je parlais tantôt, ben, il y a Il Giardino Onirico. Groupe italien. Ben oui, un disque que tout le monde a, en fait, compte. Hein? Non, je dis à Bruno, tu l'as-tu? Ben oui, Bruno, il l'a, évidemment qu'il l'a. Et bien, justement, Bruno, lors de la dernière émission, on disait que ce serait le fun de mettre des vieux disques, là, certaines vieilles pièces là, qui nous ont marquées. Parce que nous autres, on jase de groupes qu'on connaît. Puis là, on se dit, ah oui, ça sera le fun. Ah ben oui, j'aime bien ça. Puis là, ben, ça donne bien. Chandelier, leur groupe de néo-prog là, des années 90, ben, leurs 3 CD de 1988 à 1997, ben, ils sont réédités par le label polonais sous la gouverne de Erok, que Bruno doit connaître, parce que c'est l'ancien batteur de Kropschnitt. Et dans ces éditions-là, on retrouve, c'est des éditions doubles, là. Puis on retrouve des pièces inédites ou des pièces en concert, en fait des concerts complets. Là. Puis le meilleur des trois, bien, c'est le deuxième, Facing Gravity. C'est d'ailleurs une pièce de ça qu'on va entendre. Puis je pense que c'est considéré comme le meilleur. Et on ira ensuite avec du Conqueror. Thank you.

qc.ca. Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif Les Reines, présente Point ES, chapitre 1, Soi. C'est un peu du théâtre documentaire, avec comme sujet d'enquête nous-mêmes, les comédiennes, et notre relation avec le pouvoir. C'est aussi de l'autofiction. On raconte notre histoire, on se dévoile. On pourrait aussi comparer ça à un essai littéraire. On exprime nos points de vue nuancés, on prend position. On est mieux de dire tout de suite que c'est un projet féministe. Oui. Point ES, chapitre 1, Soi. Du 21 janvier au 8 février à premier acte. Informations et billets à premieracte.ca. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. Donc, c'était la pièce Keder du groupe italien Conqueror. Ça vient de l'album Inorbita et c'est disponible sur le site de Progressist. Ça fait partie de la collection du numéro 98. Et juste avant, un chandelier qui, tant qu'à moi, avait plutôt bien vieilli, la pièce Coucou de l'album Facing Gravity qui vient d'être réédité par un label polonais. Et on avait débuté avec Il Giardino Onirico de leur album Apophenia. On a entendu Alicia. Et on est encore dans les groupes norvégiens avec Elephant Nine. Et ça va être un petit bloc. On a Professeur Tip Top aussi de leur album Life is No Matter. Moi, j'en avais jamais mis parce que je ne l'avais pas. Et on va en entendre un extrait. D'ailleurs, Professeur Tip Top, on pourra entendre ça de vive oreille, si on peut dire. Oui, c'est sûr. Lors du Festival Terra Incognita en mai prochain. Donc, on débute avec Elephant Nine, qui ont sorti deux albums en même temps, en 2019, Psychedelic Backfire 1 et 2. Là, ça va être la pièce I Cover the Mountain Top. Et ça vient de l'album compilation de Progressis numéro 98.

driving grey satanic mills and weaving Senate stories. And faceless monsters, oh, they pay me plenty. Crumbs from their luncheon packs, harsh wine from bottles of empty. A stitch in time saves nine, sang Cock Robin from the wall. It's an early bird catches a worm, show a little bride before you fall. So I flew to the south sun, oh, with birds of a feather, to drink in the warm nights and tell of fine weather. Slitch Time in Time, c'est Jet Rotel, extrait du coffret 40e anniversaire de l'album Stormwatch, et c'est remixé par Steven Wilson. Juste avant, c'était Professeur Tip Top de Life is No Matter, I Am a Dreamer Too. Et on avait débuté avec Elephant Nine de leur album Psychedelic Backfire One, et ça, ça nous vient. On a entendu la pièce I Cover the Mountain Top. Et ça, ça provient du CD Sampler de Progressis 98. C'est déjà tout. En ce qui nous concerne, en fait, on va terminer avec une pièce de Pink Floyd sur l'album qui vient de paraître, qui s'appelle The Later Years 1987-2019. On va entendre une version primitive là, de I Hope. Restez à l'écoute. C'est Jacques Dulac qui sera là pour l'autoroute. Et nous, ben, on vous souhaite une bonne semaine. Soyez là. La semaine prochaine. Et une bonne année de musique. Ah ben oui.